Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com/studio-dilettante. Bienvenue à la gare centrale des jeux. Les voyageurs à destination de tous les jeux, attention au départ. Si on faisait une petite partie d'échecs, pour gagner, il ne faut pas jouer. Scott, est-ce que t'attends le truc que tu viens de commander? Possible. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu? Oh, c'est super cool! J'ai envie de faire une partie! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ludologie, le podcast qui vous parle du jeu sous toutes ses formes. Je pense que vous êtes habitués maintenant à ce petit slogan improvisé au fil des émissions. Aujourd'hui, avec mon camarade Manuel, on va parler d'une question qui intéressera peut-être les game designers et game designeuses, mais aussi les joueurs et les joueuses, puisque on va parler de comment communiquer autour de son jeu. Parce que oui, on prototype quelque chose dans son coin, on va voir un éditeur, et puis après vient le moment de commencer à en parler au-delà de son cercle familial, son cercle d'amis. Et donc pour cela, on a invité Florent Morin, qui est donc, qui au début se faisait appeler Pixel Hunt, mais maintenant qui est à la tête du studio Pixel Hunt et qu'on connaît notamment, mais pas seulement, pour Enterre-moi mon amour. Salut Florent. Salut messieurs. Et bah du coup, je te laisse Manuel peut-être commencer. Oui, bah oui, on a invité Florent parce que on avait l'intuition que c'était quand même un des beaux parleurs du jeu vidéo francophone. Et puis en plus, Florent a un bagage mixte. Alors, on va peut-être pas refaire une présentation puisque nous avons reçu déjà Florent à plusieurs reprises dans le podcast. On vous invite à vous référer à ces différentes interventions. On essaiera de mettre les liens dans la description. Enfin, on mettra les liens dans la description du podcast comme ça, vous pourrez retrouver un petit peu le parcours. Cela dit, ça fait quelques temps qu'on n'avait pas échangé avec toi, Florent. Entre-temps, tu as sorti effectivement Enterre-moi mon amour. J'imagine que tu travailles sur de nouveaux projets. Ton studio a évolué puisque quand on t'avait rencontré initialement, tu commençais à travailler sur les questions de jeu du réel de façon vraiment autonome et avancée. Ouais. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce qui s'est passé pour toi depuis 2 ans, je dirais environ, hein. Je pense que ça va faire 2 ans, ouais. Avec plaisir. Effectivement, d'abord, on a sorti notre premier jeu indépendant, Enterre-moi mon amour, qui a été assez bouleversant comme expérience pour nous, et notamment à cause de l'exposition qu'il a eue, de la façon dont on en a parlé, de ce que ça a raconté au monde de ce que était The Pixel Hunt, et c'était vraiment important pour nous. Ceci dit, on n'a pas radicalement changé, on continue à travailler pour des clients, des institutions, d'autres entreprises qui veulent faire des jeux vidéo mais ne savent pas forcément le faire. Et on continue aussi à bosser sur des jeux indépendants. Notre deuxième projet, qui s'appelle The Wreck, est en cours de prototypage actuellement pour être sûr qu'on va dans la bonne direction. Donc voilà, c'est pas la révolution, mais on a appris 2-3 trucs sur le chemin. Et alors, petite précision concernant Enterre-moi mon amour, qui est un jeu dont on va reparler, je pense, assez régulièrement au cours de cet épisode, puisque c'est pour nous un cas d'école en termes de communication. On y reviendra, mais en tout cas, c'est un jeu qui a été réalisé notamment avec aussi le travail de Pirek, qu'on avait reçu sur les jeux expérimentaux, puisque Pirek est à l'initiative de Loujeu Vipo. Florent, on dit que c'est un jeu un peu particulier en termes de mon amour. Tu es resté dans cette veine de ce que tu appelais il y a quelques années encore les news games et qu'aujourd'hui tu dénommes plus sous le nom de jeu du réel. J'ai envie de mettre les mains dans le cambouis tout de suite en termes de communication. J'imagine que ça change un peu des choses de changer la dénomination, la nomenclature en termes de public auquel on s'adresse et de ce qu'on essaye de dire de ces jeux avant même de parler du jeu même, mais déjà ne serait-ce que par l'étiquette qu'on lui donne. C'est pas faux et en même temps c'est pas complètement vrai non plus, parce que pour toute une partie des joueurs, et je pense en fait honnêtement pour la grande majorité des joueurs, en fait on s'en fout de comment on appelle finalement Metroidvania, roguelike, shooter action platformer. Ça peut intéresser 2 minutes pour savoir est-ce que c'est vaguement mon type de jeu ou pas, mais c'est pas ça qui va parler au cœur et c'est pas ça qui va faire qu'on va s'intéresser vraiment à un jeu et qu'on va le tester et qu'on va l'aimer ou pas. C'est le jeu en lui-même qui doit un peu parler pour lui. Donc les jeux du réel ou les news games, j'ai envie de te dire, c'est une question que se posent pas mal les gens, les designers, les journalistes, les gens qui théorisent un petit peu le jeu vidéo et qui le classifient dans des familles. Pour les joueurs, en fait... c'est beaucoup plus important de travailler à un pitch sur le jeu lui-même que de travailler une espèce de branding. Mon jeu appartient à la grande famille des jeux du réel. Moi, c'est important pour moi parce que j'aime essayer de réfléchir à ce que je fais et à mettre un nom sur ce que je fais. Et pour moi, les news games et les jeux du réel, c'est pas du tout la même chose. Mais je doute que pour la majorité des joueurs qui ont joué en termes de mon amour, ça a une vraie importance. Après, je peux toujours me tromper, je suis pas dans leur tête, mais c'est une intuition que j'ai en tout cas. Il y a quelque chose qui est intéressant dans cette question lors de la dénomination du jeu, c'est aussi comment on se définit en tant que créateur ou créatrice ou même studio ou éditeur. Quand je me rappelle quand t'as vu la première fois dans Ludologie, tu te considérais comme un éditeur. Maintenant, comment tu t'identifies? Parce que c'est vrai que c'est une des bases de la communication, c'est qui on est. Ouais, j'aimerais bien être vraiment un éditeur. À terme, c'est très clairement une piste de développement de ce qu'est The Pixel Hunt aujourd'hui. C'est-à-dire, je sais qu'il y a d'autres gens que moi qui sont intéressés par le concept de faire des jeux qui parlent du réel, et j'aimerais bien être un facilitateur pour eux, tant pour financer leur production qu'ensuite en parler et le faire connaître autour d'eux et vraiment aider à ce qu'il y ait des joueurs qui trouvent ces jeux. Force est de constater qu'aujourd'hui, j'ai pas encore... il me semble la légitimité pour le faire pour d'autres personnes. Donc l'étape était la suivante. La première étape, c'était sortir un jeu avec un publisher. C'est ce qu'on a fait sur Entièrement Mon Amour, puisqu'il y a un publisher qui s'appelait à l'époque Playdus Plugin Digital et qui s'appelle Dare Villagers aujourd'hui. Ça, c'était la première étape. La deuxième, ça va être sortir un jeu qu'on va auto-publier et ce sera pour The Wreck. J'ai l'ambition et j'espère pouvoir publier au nom de The Pixel Hunt, le jeu, est donc m'occuper du développement jusqu'à la publication. Et la troisième étape, et ça ce sera dans quelques années, ce serait de réussir à faire en sorte d'avoir la confiance d'autres devs pour que d'autres devs nous confient en quelque sorte leur bébé et qu'on puisse faire la publication pour eux. Mais ça, moi, je me vois mal aller voir des gens et dire « Ouais, confiez-moi votre jeu, je vais faire le publishing si je ne l'ai pas au moins fait sur un de mes jeux. » Donc, voilà, ne brûlons pas les étapes. Alors c'est un pivot intéressant ce que tu racontes, parce que pour le coup dans le publishing il y a justement ces enjeux de communication, on va sortir tout de suite les mots qui font peur, de marketing. Donc toi, ta première expérience sur The Pixel Hunt, c'est de faire appel à un prestataire extérieur, et là sur The Wreck, de travailler par toi-même sur ces sujets-là, ça veut dire tout un nouveau champ de compétences à développer. Est-ce que c'est des choses que tu avais déjà eu l'occasion de travailler peut-être avant de travailler sur Enterre-moi mon amour? Non, pas vraiment. J'y ai déjà réfléchi. Et puis surtout, moi, j'ai été 10 ans journaliste. Donc, un des canaux de base de la communication autour d'un projet, c'est évidemment la communication envers les relations presse, la communication envers la presse et les journalistes. Et donc, ayant été de l'autre côté, ayant reçu des centaines, voire des milliers de communiqués de presse, ayant été dans le showroom de Nintendo qui essayait de me montrer leurs jeux et de me les vendre pour que j'en parle de manière laudative. Forcément, j'ai un peu cette expérience-là, mais de l'autre côté du miroir, entre guillemets. Mais bon, la communication, ça n'est pas que la communication vers la presse, c'est aussi la communication vers les joueurs, c'est aussi la communication vers les plateformes, qui est encore quelque chose de complètement différent, voire la communication vers les publishers, pour un peu la première étape. Si tu veux avoir un publisher, il faut le convaincre, donc il faut le draguer un peu, donc il faut savoir lui pitcher ton jeu, lui expliquer pourquoi il est génial, etc. Et même si parfois c'est le jeu qui parle lui-même, quand il est bien habillé, c'est encore mieux. Donc j'avais pas d'expérience moi-même de tout ça avant de sortir Entièrement Mon Amour. Et c'est pour ça qu'il me semblait pertinent de bosser avec un publisher à ce moment-là. Parce que il faut pas imaginer que le publisher va tout faire pour vous. En l'occurrence, c'était pas le cas. Mais par contre, il a fait une partie des choses et j'ai un peu observé comment il faisait. Et ça a évidemment servi de leçon pour moi et des leçons que je vais essayer d'appliquer maintenant quand on va sortir notre prochain jeu tout seul comme des grands. Avant de revenir sur ce cas particulier de travailler avec un publisher, il y avait quand même des productions avant Enterrement Mon Amour. Je pense notamment à la production que tu avais fait, je crois que c'était pour la journée internationale du droit des femmes, enfin des droits des femmes, c'était pour Libération, je crois. Ouais. Et justement, c'est aussi communiquer, c'est aussi, comme tu l'as dit, convaincre des gens d'acheter nos jeux, de les commander. Comment toi tu as fait justement pour communiquer sur tes jeux et les faire acheter? Alors ça, pour le coup, c'était pas vraiment. Enfin, c'était un contexte un peu différent. C'est-à-dire que le jeu avait été fait par Pierrek, justement. Je crois que c'était dans une game jam. Je suis pas complètement sûr, mais c'était à une occasion spéciale. Et le travail que j'ai fait moi, c'est d'aller voir Libération et de leur dire voilà, il y a cette journée contre la violence faite aux femmes. Nous, on a un jeu vidéo qui parle exactement de ce sujet. Notre intérêt, c'est de faire en sorte que le jeu vidéo soit de plus en plus présent sur les médias, en tant que média à part entière. Votre intérêt à vous, c'est d'avoir un contenu un peu novateur, original, et puis en l'occurrence pas très cher, parce qu'ils ne nous payaient pas le développement, ils payaient juste en fait un droit de publication sur leur site. Est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente ? Et évidemment, le travail de pédagogie que j'avais fait par le passé, à parler des news games, à rencontrer des rédactions, à rencontrer des gens qui n'étaient pas forcément représentants de leur rédaction, mais qui étaient dans des rédactions et qui pouvaient parler de moi à leur hiérarchie, ça intéressait. Parce que avoir une image de média qui innove pour un coût pas très important, forcément, c'était quelque chose qui pouvait parler à pas mal de monde. Mais c'est un truc un petit peu unique, si tu veux. C'était un alignement des planètes entre le fait que Pierre avait fait ce jeu que je trouvais hyper fort et que Libé, je le savais, était à la recherche de contenus originaux, un peu novateurs digitaux, et que moi, j'avais un pied des deux côtés. Je connaissais le travail de Pierre, je connaissais les besoins de Libé, et j'ai pu jeter un pont entre ces deux univers qui, sinon, ne sont pas forcément en contact. Mais c'était pas une énorme expérience, mais c'est vrai que c'est aussi ça, la communication, c'est aussi un travail de voir des opportunités. En fait, on va probablement en reparler dans le podcast, mais il y a une vraie part de créativité dans la communication, et c'est aussi si on le considère comme ça, ça peut devenir quelque chose de vraiment super intéressant, en fait. Là, tu parles donc d'un jeu que t'as amené à Libération. En termes de mon amour, tu l'as sorti. C'est un jeu proposé au public, mais pour le coup, on est dans une démarche d'auteur. Si mes souvenirs sont exacts, tu as aussi auparavant, au début de The Pixel Hunt, travaillé avec un certain nombre de médias pour faire un peu des jeux sur mesure. J'imagine que ça change des choses quand on vient en proposant d'un côté un produit fini et de l'autre côté une idée qui va être ensuite payée en termes de développement grâce à l'argent d'un client, un peu dans une logique d'agence quelque part. Oui, en fait, je vais être honnête avec vous. Moi, j'estime que quand je travaille en tant qu'agence pour un client, toute la partie de la communication n'est pas de ma responsabilité. Ça ne veut pas dire que je m'en désintéresse, évidemment. On va en parler avec le client, on va essayer d'imaginer des choses qu'on peut faire, etc. Mais ce n'est pas à moi de savoir pourquoi je suis en train de faire ce que je suis en train de faire. Moi, je réponds à une commande et c'est le client qui m'a passé la commande qui doit être suffisamment convaincu que sa commande a une pertinence pour savoir comment il va communiquer au-dessus. Et d'ailleurs, c'est un vrai problème parce que ça m'arrive hyper souvent de commencer à travailler avec, par exemple, des institutions et à leur dire, attention, je vous préviens tout de suite, la communication autour du projet est essentielle à sa réussite, et c'est quelque chose d'assez spécifique, et c'est quelque chose que moi, en tant que, pas la personne qui le publie, je me sens pas forcément légitime de mener, donc il faut, je vous aide, il n'y a pas de problème, mais il faut le prendre en compte et il faut travailler ensemble là-dessus. Et assez souvent, en fait, on arrive à la fin du projet et on ne s'en est pas vraiment occupé. Or, ce que j'ai appris dans Terme mon amour, c'est que en faisant Terme mon amour, c'est que c'est quelque chose qui doit être fait au fil de l'eau, dès le début. Et parfois même, pour certains projets, avant même de commencer à travailler sur le projet. C'était les développeurs de Oublette, le petit jeu qui va sortir bientôt, un jeu de jardinage où on cultive des animaux, c'est très mignon, très kawaii et tout, qui racontaient qu'en fait, une de leurs premières questions quand ils ont commencé à bosser sur leur jeu, c'est est-ce que c'est gifable ? Est-ce que... Non, mais ça peut être... Ça peut paraître ridicule, et d'autant plus que, tu vois, En termes en amour, était pour le coup pas du tout gifable. Et d'ailleurs, ça nous a posé des problèmes de communication. Mais en même temps, c'est assez malin de voir les choses comme ça, parce que qu'est-ce qui fait qu'un gif est un bon gif ? C'est eye candy, c'est mignon, c'est surprenant, c'est rigolo. Et tout ça, c'est des qualificatifs qui vont bien pour la communication, mais qui évidemment vont bien pour le game design aussi. Et que donc, si ta préoccupation, c'est de faire un jeu qui va plaire au public, bah, c'est normal de te dire que si j'arrive pas à parler de mon jeu d'une manière qui va plaire au public, il y a des chances que le jeu lui-même ne plaise pas au public. Donc, mêler les réflexions sur les deux, ça me paraît super malin. Et je suis en train de digresser complètement par rapport à la question de départ. Je vous prie, m'excuser. Non, c'est super juste. Hein. Enfin, pour le coup, c'est des choses que je retrouve sur d'autres jeux. Pour le coup, du jeu vidéo, je pensais notamment à des jeux comme Pikuniku, où là, récemment, c'est le Picross qui a sorti la dev du dimanche. Picross. Voilà, c'est ça, Puppy Cross, et qui est vraiment effectivement très gifable et très, très visuel instantanément. Manuel, tu voulais poser une question ? Oui, alors moi je n'allais pas spécialement parler de gif, néanmoins on peut y revenir, puisque pour le coup, est-ce que c'est gifable ? Est-ce que ce n'est pas une question que tu as posée ou qu'aurait pu te poser ton publisher, puisque tu as été voir un publisher pour Enterre-moi mon amour ? Ouais. Et incidemment, j'ai une autre question derrière, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à aller voir un publisher pour Enterre-moi mon amour ? Et qu'est-ce qui te pousse à publier par toi-même pour The Wreck. Alors, la question de « est-ce que c'est gifable ?», je ne me souviens plus si elle m'a été effectivement posée, mais la réponse est évidemment non. Et ce qui m'amène à une espèce de leçon que j'ai apprise en travaillant sur Enterre-moi mon amour, c'est que ça ne sert à rien de penser qu'il y a des espèces de recettes absolues de communication sur un jeu, mais qu'en fait, la communication autour de ton jeu doit avoir la gueule de ton jeu. Et si ton jeu n'est pas gifable, bah, ça sert à rien de faire des gifs. Tu peux en faire pour montrer quand même un petit peu pour les joueurs curieux. Ok, ça ressemble à ça, d'accord, je vois. Mais le gif, c'est pas l'alpha et l'oméga de la communication. Comme avoir un serveur Discord où on organise des jeux n'est pas l'alpha et l'oméga du community building. Comme, enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça qui peuvent se poser. Mais pour répondre à l'autre partie de ta question, ce qui m'a poussé à aller voir un publisher, en l'occurrence, c'est un, le fait que j'avais suffisamment entendu de devs dire que le marché des jeux vidéo est extrêmement concurrentiel, particulièrement le marché mobile, où je vous rappelle quand même qu'il y a 500 nouveaux jeux publiés chaque jour sur l'App Store, donc tu vois le bazar pour exister. Le publisher ne fait pas que de la communication, mais il fait aussi un travail de, par exemple, de relations avec les plateformes. Et donc, quand tu débarques, jeune développeur qui a sorti aucun jeu et que tu essaies de parler à Apple, bah, pour te faire featurer, c'est compliqué. Alors que quand tu es un publisher qui a déjà une dizaine de jeux publiés sur l'App Store, ça devient tout de suite beaucoup plus simple. Et puis, il y a aussi d'autres questions comme la distribution. Plugin Digital était et est toujours excellent sur le fait de pouvoir distribuer ton jeu sur plein de stores qu'on appelle stores secondaires, qui sont des stores qui n'ont pas du tout les volumes de vente de l'App Store ou de Steam, mais qui, cumulés, peuvent amener à des volumes de vente tout à fait intéressants. Et ça, c'est vraiment un savoir-faire qu'ils ont accumulé au fil des ans et qu'il est illusoire d'espérer avoir, parce que ça demande du temps, ça demande de créer des relations, et puis ça demande de faire, 200 fiches magasins, par exemple, tu vois. Ce que tu ne peux pas trop faire quand tu as un jeu à sortir en parallèle. Et puis, troisième truc un peu plus pragmatique, c'est que Enterre-moi mon amour est coproduit par Arte. Et pour le coup, c'était un désir assez clair d'Arte de dire nous, on coproduit avec toi, mais on pense qu'il faut qu'il y ait l'appui d'un publisher, mais pour les mêmes raisons que je viens de vous énoncer. Et donc, on t'encourage fortement, et dans le langage codé d'Arte, ça veut dire mec, tu le fais et c'est tout. On t'encourage forcément à trouver un publisher. Après, assez vite, on s'est entendu avec Plugin parce que ils sont français, on est français, parce qu'à l'époque, ils signaient beaucoup de projets, parce que je pense que le jeu a touché leur équipe en interne. Et donc voilà, on est partis ensemble. C'est un peu ces trois raisons-là qui expliquent pourquoi on a décidé de travailler avec un publisher. Donc vous avez travaillé avec eux, et ce qui m'amène... Mais excuse-moi, petite parenthèse, c'est une super bonne question parce que il y a plein de studios qui disent je veux travailler avec un publisher parce qu'il va s'occuper de tout, et c'est mécomprendre aussi ce qu'un publisher peut apporter. Donc forcément, il faut faire attention, il ne faut pas avoir non plus des attentes démesurées par rapport à ce qu'un publisher peut faire. Et une des questions qui est en creux, c'est pourquoi tu ne l'as pas fait avant, en fait, et après, puisque manifestement c'est pas le cas pour The Wreck. Pourquoi je l'ai pas fait avant? Parce qu'en fait, Enterre-moi mon amour, c'était le premier projet commercial qu'on sortait. C'est-à-dire qu'avant, moi, j'avais jamais sorti de jeu qui nécessitait de se vendre pour rembourser les coûts de production, en fait. Donc, les enjeux que j'avais avant, c'était plus des enjeux de volume de visites, mais il n'y avait pas la dimension commerciale et distribution qu'il y avait dans Enterrement mon amour. Quand je faisais un jeu pour des sociétés de production qui travaillaient pour France Télévisions ou pour Arte, quand je faisais un jeu pour une institution, en fait, les enjeux, c'était plus des enjeux de public. Comment on va faire pour... Parce que les jeux étaient gratuits et que ce qu'il fallait, c'était se dire comment on va faire pour avoir du monde qui va jouer à notre jeu et pour faire circuler le jeu comme un bien culturel payé par les impôts des gens, donc accessible gratuitement. Et il n'y avait pas d'enjeux commerciaux, il n'y avait rien à vendre. Alors que là, avec Enterrement mon amour, on avait un budget de production qui était de environ, je ne me souviens plus exactement, mais 190 000 euros. Avec la communication autour, ça devait faire 220 000 euros. Et bah, il fallait quand même qu'on vende des jeux pour ne pas s'endetter d'autant à la sortie d'Enterrement mon amour. Donc pour The Pixel Hunt en tant qu'entreprise, il y avait un enjeu commercial qu'il n'y avait pas sur mes précédents projets. Donc c'est entre autres ça qui m'a poussé à aller voir un publisher pour essayer de mitiger le risque de faire un bid total et de vendre 200 unités du jeu, ce qui aurait été quand même un peu problématique pour la suite de la vie du studio. Et après, pourquoi tu ne tentes pas l'expérience sur un deuxième jeu avant de te lancer en tout seul? Parce que, et ça c'est assez spécifique au type de jeu que je fais et qui m'intéresse, je pense qu'en fait ils sont très compliqués à publier, et particulièrement d'un point de vue communication. C'est quand dans ton catalogue tu as des jeux d'action, des shooters, des jeux qui sont un peu considérés comme des vrais jeux entre guillemets, bah tu sais que tu as des recettes que tu peux appliquer qui ont des chances de marcher. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais faire un concours sur Twitter avec 10 clés à gagner, tu sais que c'est quelque chose que tu peux faire, une petite opération marketing simple que tu peux faire et qui va marcher. Mais faire un concours sur Twitter où tu fais gagner 10 clés d'Enterrement mon amour, tout de suite, en fait, il y a une espèce de... Ben voilà, ça vous fait marrer, quoi. Il y a une espèce de d'antithèse entre la gravité du sujet du jeu et le fait de faire une espèce de foire à la saucisse. Et quand je dis foire à la saucisse, c'est pas péjoratif, hein, mais c'est juste que, en fait, c'est une technique marketing qui marche bien pour du pur divertissement et qui marche beaucoup moins bien pour... un jeu qui se veut du divertissement, parce que Enterrement mon amour, c'est quand même un divertissement malgré tout, mais aussi avec une portée documentaire, avec une portée qui te fait réfléchir sur le monde, ça marche plus. Donc je me suis dit, je pense qu'il y a un public de joueurs que ce type de jeu intéresse, je pense qu'il y a un public de développeurs que faire ce type de jeu intéresse. Ce qui manque là dans la chaîne, c'est un publisher qui pourrait avoir un peu cette spécialité-là, au sens un peu large, pas au sens trop restrictif de uniquement des jeux qui cochent telle et telle et telle case, mais disons que des jeux qui parlent de la vraie vie et qui sont un peu réalistes, souvent avec une composante un peu grave, à mon avis, tu peux pas communiquer dessus, tu peux pas les vendre de la même manière que tu vas vendre, pour parler de Dear Villagers, Scourgebringer ou l'autre jeu d'où le nom m'échappe, où tu es obligé de recoder l'environnement pour pouvoir progresser à l'intérieur, et qui sont des vrais jeux super fun et tout, sur lesquels tu peux communiquer peut-être un peu plus facilement que sur des jeux comme ceux que je fais et qui m'intéressent. Alors justement, revenons du coup à cette difficulté, comment dire, à exister par rapport au reste du catalogue. Ce qui m'amène à la question de quel était le cahier des charges que vous avez transmis à ce publisher, parce que voilà, vous êtes un peu différent par rapport au reste du catalogue. À vrai dire, à l'époque, moi j'en avais un peu aucune idée. J'arrivais un peu comme, tu vois, le petit agneau, c'est pas l'agneau, c'est le perdreau de l'année, pardon. Et je me disais, voilà, mon jeu c'est ça, l'histoire que je raconte c'est ça, le public que j'identifie parce que j'avais fait une étude de marché, c'est tel et tel et tel type. Après, moi je sais pas trop comment on va leur parler. Ce que je sais, c'est que je suis un ancien journaliste, d'expérience je pense que ça peut intéresser les journalistes et la presse, et j'ai des choses à raconter sur la méthodologie qu'on a appliquée sur ce jeu du réel, parce que je sais qu'on va nous dire aussi, mais comment est-ce que vous avez pu... faire un jeu sur un sujet comme ça, on ne peut pas jouer avec tout et tout. Et ben, moi, je pense que si, et j'ai construit un argumentaire autour de ça. Et donc, dans ma communication, je pense que c'est important d'insister là-dessus. Mais après, concrètement, comment est-ce qu'on va toucher et les journalistes et le public? À l'époque, je n'avais pas beaucoup, beaucoup d'idées sur la question. Mais du coup, on a construit un plan ensemble avec le publisher qui passait par... enfin, en l'occurrence, ce n'était pas directement avec le publisher, mais c'était avec la boîte de communication et de relations publiques, de relations presse qu'on a engagée, qui s'appelle ICO Partners, qui est une boîte anglaise, mais qui est dirigée par des Français, et avec laquelle on a écrit un communiqué de presse, imaginé ce qu'il fallait qu'on mette dans le trailer pour que ça donne une bonne idée de ce qu'était le jeu et qu'en même temps, ça le rende intéressant, intriguant et attirant. Où je leur ai dit qu'en plus, Arte avait une demande particulière qui était qu'ils voulaient qu'il y ait une version, un préquel du jeu gratuit sur Internet, accessible à tous sur Internet. Et qu'on s'est dit, ça, c'est un super outil pour communiquer, pour donner un aperçu de ce que va être le jeu. On a bâti les choses en faisant. Mais c'est un peu le regret que j'ai eu à la fin, c'est qu'en fait, je pense que ton plan de communication, tu dois pas le construire au fur et à mesure que tu développes ton jeu et que tu arrives à la fin du jeu et que tu te dis, ok, bon, maintenant, comment on en parle ? Aujourd'hui, dans The Wreck, on attend d'avoir le go définitif pour être sûr qu'on part en prod, et à partir du premier jour où on part en prod, on va commencer à communiquer. Ça va être radicalement différent de ce qu'on a pu faire sur Enterrement Mon Amour. C'est intéressant. Alors, je vais reprendre quelque chose que tu disais tout au début de ta réponse, ça va être pratique, où tu parlais de l'argumentaire que tu avais pensé pour répondre à des gens qui diraient c'est pas un sujet sur lequel on peut jouer. Pour mémoire, Enterrement Mon Amour, parce qu'on en parle beaucoup, parce qu'on estime que vous tous, auditeurs et auditrices, devriez déjà avoir joué à ce jeu ou au moins en avoir entendu parler, mais si c'est pas le cas, ce n'est pas grave, vous pourrez le faire juste après ce podcast. Enterrement Mon Amour évoque le parcours des... Je dis à gros traits, Florent, tu me corrigeras, des migrants syriens qui tentent de rejoindre, des réfugiés syriens qui tentent de rejoindre l'Europe au travers du portrait d'un personnage fictionnel inspiré d'une personne réelle. Tout à fait. En l'occurrence, tu peux dire migrant parce que Nour, l'héroïne du jeu, est une réfugiée puisqu'elle fuit les violences et la guerre. Mais c'est aussi un personnage de fiction. Il peut lui arriver plein de choses dans le jeu. Certaines choses viennent de témoignages de gens qui n'étaient pas des réfugiés, mais qui étaient des migrants, et parfois des migrants économiques. Et pour nous, la question de pourquoi est-ce que les gens risquent leur vie est moins importante que la question de concrètement qu'est-ce qui se passe quand les gens risquent leur vie pour arriver en Europe. D'accord. Un sujet qui d'actualité, qui peut être considéré comme délicat, controversif pour un certain nombre de personnes, et tu nous racontes que tu as pensé tout de suite ton argumentaire pour aller justement répondre à des gens qui diraient on peut pas jouer avec un sujet comme ça. De ce que j'en comprends, peut-être je me trompe, c'est-à-dire que dès le début tu penses ton jeu pour s'adresser à des journalistes, de presse, et à des journalistes de presse pas nécessairement spécialisés en jeux vidéo, mais plutôt sur un angle politique, culturel, c'est-à-dire que tu fais un jeu en le pensant déjà comme une proposition qui va s'adresser à des gens qui sont habituellement pas spécifiquement des joueurs de jeux vidéo, qui sont pas forcément des médias spécialisés, qui sont plutôt des médias généralistes. C'est déjà un angle de communication assez fort en soi. Complètement, ça c'est tout à fait vrai, et à vrai dire il y a une raison simple à ça, c'est que l'idée originale d'Enterrement Mon Amour, elle vient elle-même d'un article du Monde.fr dans lequel la journaliste Lucie Soulier avait traduit des messages qu'une jeune femme, une jeune Syrienne qui s'appelle Dana, avait envoyé à sa mère et à sa famille pendant son voyage entre Damas et l'Allemagne, où elle allait rejoindre des membres de sa famille qui étaient déjà arrivés en Allemagne. Et c'est en voyant ces messages que je me suis dit, mais en fait, traiter ce sujet à travers le prisme des messages que tu envoies quand tu es sur la route à des gens qui, eux, ne sont pas en train de faire ce voyage et qui donc ne peuvent t'aider qu'en te donnant des conseils et en essayant de te soutenir, c'est la forme qui me semble la plus intéressante pour comprendre un petit peu de l'intérieur, humainement, ce que c'est que cette expérience de vie-là. Donc, ayant pour inspiration principale un article, évidemment, je me disais deux choses. La première, c'est que c'est une expérience de vie qui reprend l'interface d'une application de chat. Donc, a priori, le jeu risque d'être accessible à tous les gens qui savent envoyer un SMS. Ça veut dire y compris ma mère. Donc, un public très large et donc un public qui n'est pas nécessairement du tout habitué des jeux vidéo. Et deuxièmement, vu le sujet et vu la façon dont on traite le sujet, il y a des chances que ça intéresse la presse, et particulièrement, il y a des chances que ça intéresse la presse qui n'est pas spécialisée en jeux vidéo. Et donc, évidemment, quand tu commences à travailler sur un projet, tu te dis, bon, bah, qu'est-ce que je fais comme projet? Puis après, tu te dis, mais pourquoi je le fais et qui ça peut intéresser? Et donc, dès le début, pour le coup, j'avais en tête quelque chose que, tu vois, bon exemple, je n'ai pas pu faire, parce qu'on ne peut pas tout faire quand on sort un jeu, mais étant un ancien journaliste, moi, j'avais en tête que quand mon jeu sortirait, quelques semaines avant, je prendrais mon carnet d'adresses et j'irais contacter tous les gens de tous les médias qui ne sont pas nécessairement habitués à parler de jeux vidéo, en leur disant, voilà, c'est l'adaptation et d'une histoire vraie et d'un article du monde.fr, et regardez, parlez-en si ça vous intéresse. Typiquement, quand on est arrivé à la fin du jeu, de la prod du jeu, j'étais complètement sous l'eau et j'ai pas eu le temps de faire ça. Et c'est un de mes regrets par rapport au plan de communication que j'avais prévu. Mais de toute façon, il y a plein de game dev qui diraient que on surévalue complètement l'importance de la couverture de la presse sur le succès d'un jeu. Alors, un truc qui me semble complètement dans la thématique de votre podcast, c'est qu'est-ce que c'est le succès pour vous, en fait? Parce que quand on communique autour de son jeu, c'est parce qu'on veut atteindre le succès. Mais en fait, le succès, ça veut rien dire. Ça peut être les ventes, ça peut être le fait d'avoir l'impression d'avoir apporté quelque chose de nouveau à son média, à sa forme d'expression. Ça peut être la reconnaissance de ses pairs, ça peut être gagner des prix, ça peut être plein de choses. Donc, quand on établit un plan de com, une des premières questions qu'il faut se poser, c'est bah, c'est quoi le succès pour moi? Et déjà, c'est une bonne idée de réfléchir à sa communication en fonction de ça, en fonction de bah, qu'est-ce que ce serait une réussite. Et c'est pas du tout obligatoire que ce soit la même chose pour tout le monde, au contraire. Je trouve ça super intéressant que tu évoques ce questionnement sur le succès, et d'autant plus quand on le délègue à une agence. Donc là, tu l'as cité, c'était ICO Partner. Justement, comment se fait ce dialogue? Sur quelle base? Est-ce que, par exemple, il y a des choses que tu as dit, bah non, ça, on ne le fera absolument pas parce que je suis contre? Comment ça s'est déroulé, cette discussion Bah, et deux choses. D'abord, tu vois, effectivement, je me souviens, j'y pensais plus, mais ta question me le rappelle. Je me souviens d'une réunion qu'on a eue avec eux où, je sais plus si c'est parce qu'ils ont posé la question ou si c'est mon initiative, je me souviens plus, mais j'en suis arrivé à dire, voilà, moi, je suis beaucoup plus attaché à ce que le LA Times fasse un article qu'à ce que Kotaku fasse un article, par exemple. Parce que je pense que c'est eux qui m'ont posé la question. Qu'est-ce que ce serait pour toi une opération de communication réussie? Et moi, je leur ai répondu, une opération de communication réussie, c'est un article dans le New York Times. Et alors que je pense que quelqu'un qui ferait un jeu vidéo peut-être plus classique aurait dit, une opération réussie, c'est un let's play par un journaliste de Kotaku ou un énorme streamer ou un énorme twitcher qui va avoir son attention attirée sur le jeu et qui va streamer pendant une semaine tous les soirs mon jeu. Évidemment, moi, si ça m'intéressait d'être dans le New York Times, c'est parce que je me disais que mon objectif personnel, c'était que plus de gens se disent « Ah putain, mais en fait, on peut utiliser le jeu vidéo pour parler du réel. On peut utiliser le jeu vidéo pour raconter le monde et pour donner à réfléchir. » Et donc, il y a plein de gens qui lisent Kotaku ou Rock Paper Shotgun ou qui le savent déjà, ça, parce qu'ils le vivent tous les jours, des expériences transformatives par le jeu vidéo. Ils n'ont pas attendu en termes de mon amour pour les avoir. Par contre, il y a aussi plein de gens qui jouent pas au jeu vidéo et qui sont convaincus que ça rend débile, idiot et agressif. Et ces gens-là, peut-être qu'il y en a plus qui lisent le New York Times, et que du coup, si on arrive à avoir un article dans le New York Times, on aura plus de chances de les toucher et éventuellement de les convaincre du contraire. Donc il y a eu ce moment où on s'est dit ok, qu'est-ce que c'est une opération de communication réussie? C'est quoi le résultat d'une opération de communication réussie? Et par exemple, on a tourné le communiqué de presse dans cette direction-là, en citant en référence l'article du monde.fr, en insistant peut-être pas à fond sur le côté super fun et ludique et machin, mais plus sur le côté inspiré du réel et avec des multiples sources et avec des documents et avec le fait que Dana était membre de l'équipe qui a fabriqué le jeu et qu'elle a été notre conseillère éditoriale, et que d'ailleurs, si vous voulez, elle était dispo pour répondre à des interviews, ce qu'elle a fait, et elle l'a fait, mais pas auprès de d'outlets qui sont des outlets spécialisés dans le jeu vidéo. Elle l'a fait par, elle a répondu à des questions de je ne sais plus quels médias, mais c'était des médias super généralistes. Et pour l'autre partie de ta question, évidemment, il y avait des choses que je ne voulais pas faire. De la même manière qu'on n'a pas fait un free-to-play, où il faut dépenser 50 centimes pour acheter une bouteille d'eau à Nour pour qu'elle survive, tu vois. De la même manière que le modèle économique du free-to-play était incompatible avec l'histoire qu'on racontait, le modèle de communication, il y avait des choses qui étaient incompatibles avec le jeu. Je vous parlais tout à l'heure des concours. À la limite, ça m'est arrivé d'en faire gagner des clés du jeu, mais c'était plus un giveaway comme ça. C'est bon, j'ai une clé, je sais pas quoi en faire, je vous la donne parce que je me dis que ça peut faire plaisir à quelqu'un. Mais il y a des choses, des opérations de marketing et de communication un peu au bazooka qui me semblaient super problématiques. Par exemple, on n'a quasiment fait aucun support de communication où on mettait Nour en scène. Nour qui va te parler en te disant « Et toi, quels seraient les choix que tu aurais fait ?» Nour qui brise le quatrième mur. Tout ça, en fait... Bah, ça nous semblait super compliqué à mettre en œuvre sans tomber dans un manque de respect ou dans une forme de vulgarité. Donc on s'est coupé de pas mal de canaux. Et tu vois, regarde, je te donne un exemple assez précis. Il y a un jeu qui est sorti une année après nous qui s'appelle My Child Lebensborn, qui est un jeu documentaire sur les enfants nés de relations entre des Norvégiennes et des soldats allemands nazis. Et donc, évidemment, ces enfants qui sont nés du fruit du péché, entre guillemets, ils étaient détestés dans la société norvégienne. Et dans les années entre 45 et les années 60, ils étaient insultés à l'école, maltraités, etc. Et dans My Child Lebensborn, c'est un jeu de care où tu prends soin d'un petit garçon ou d'une petite fille. Tu choisis au début si c'est un petit garçon ou une petite fille, alors que tout le monde le déteste ou tout le monde la déteste. Mais elle ou lui, évidemment, n'a rien fait. Juste comme c'est un enfant d'un nazi, tout le monde le charge de tous les maux de la terre. Et c'est un jeu hyper beau, hyper touchant, parce que c'est un jeu où le gameplay, c'est l'amour, en fait. Tout ce que tu peux faire, c'est lui donner de l'amour pour essayer de faire en sorte qu'il se sente bien. Et tu peux pas lutter contre la connerie du monde. Par contre, tu peux essayer de lui faire des petits câlins à lui pour que ça aille mieux. Et ben, le Sarepta Studio, qui fait My Child Lebensborn, ils sont très proactifs sur la communication et ils font souvent des OP sur Twitter où ils postent un message et ils disent « Ah, ben, c'est bientôt Noël. Dans le jeu, il y a un moment où tu fabriques un cadeau de Noël pour ton enfant. Et vous, qu'est-ce que vous auriez aimé fabriquer ?» Enfin, tu vois, les espèces de call to action que tu as dans la communication de jeux vidéo classique, et je trouve que ça marche pas du tout. Et d'ailleurs, ça engage pas du tout la communauté. Jamais personne, très peu de gens répondent, très peu de gens like ou retweet, parce qu'en fait, c'est pas des mécaniques qui sont, à mon sens, adapté à l'intensité émotionnelle du propos de ce jeu. Et pourtant, c'est un jeu qui a eu beaucoup de succès. Il y a plein de gens qui ont joué, il y a plein de gens qui ont trouvé ça super bien et tout. Donc, ils n'auraient même pas besoin de le faire, mais ils essaient, à mon sens, d'appliquer des recettes de communication qui marchent peut-être très bien pour des jeux qui sont plus directement du divertissement pur, mais qui, à mon sens, sont un peu à côté de la plaque avec ce genre de jeu-là. Moi, j'ai préféré ne même pas essayer d'aller dans cette direction-là. Mais par contre, d'essayer d'aller dans d'autres directions où on parle beaucoup plus des sources, de la méthodologie, de Dana, du parcours de vie de Dana, etc. etc. C'est intéressant ce que tu dis, effectivement, dans les directions de la communication que vous avez prise. Il y a aussi des fois ce que la communauté de joueurs, en tout cas les joueurs et joueuses, en font, et notamment quand ils rendent public leur pratique. Je pense notamment, alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été provoqué par vous, par Eco Partners ou autre, c'est, je crois, quand Squeezie avait joué à Enterrement d'amour, forcément c'était quoi, c'était un coup de com, c'était un coup de com involontaire, comment ça s'est passé par exemple? Bah écoute, à ma connaissance, Squeezie ne se fait pas payer pour faire des vidéos promotionnelles, mais s'il le fait, c'est à des tarifs qui sont absolument impossibles à, enfin qui auraient été complètement en dehors de notre porte-monnaie, si tu veux. On n'aurait jamais pu payer Squeezie. Il se trouve qu'il a parlé dans Terme à mon amour. Aujourd'hui encore, j'ai aucune idée de comment ça s'est passé. Ma petite théorie, c'est qu'il avait quelqu'un de chez lui à Indiecade Europe. Parce qu'on montrait le jeu à Indiecade Europe et la vidéo de Squeezie, c'est quelques jours après Indiecade. Donc je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui a vu le jeu à Indiecade et qui s'est dit, tiens, ce jeu-là, ça pourrait être bien et qu'il l'a proposé à Squeezie, quelqu'un de son entourage, je veux dire, et que Squeezie s'est dit, bah effectivement, ce sujet m'intéresse. Ou alors il en a entendu parler dans la presse, ou tu vois, je sais pas comment ça s'est passé. Mais le fait que Squeezie en parle, moi j'ai trouvé ça absolument génial parce que ça nous permettait de toucher une audience qui était pas la nôtre a priori, tu vois. Le public de Squeezie est quand même très jeune, ils ont pas forcément les moyens de payer 3,50€ pour un jeu. Et puis, s'ils ont 3,50€, ils n'ont pas forcément envie de les dépenser dans un jeu comme Enterrement mon amour. Et résultat, il fait une vidéo qui est vue 7 millions de fois. Et en dessous, il y a plein de commentaires et plein de gens qui discutent du sujet. Et ça fait partie des métriques de succès pour nous. Tu vois, c'était génial. Malheureusement, dans le cadre de ce podcast, ça ne vous avance pas beaucoup parce que je ne peux pas vous dire comment on a réussi à faire en sorte que Squeezie en parle. Par contre, quelques mois plus tard, on a gagné un concours. Organisé par Google Play. Donc on a été désigné pour 2017 comme étant le meilleur jeu de Google Play. Et à gagner, il y avait 150 000 dollars. Alors, je vois déjà les étoiles briller dans vos yeux veineux, mais malheureusement pour nous, ce n'était pas 150 000 dollars de cash, c'était 100 000 dollars de pub sur Facebook, et 50 000 dollars de youtubeurs à payer pour qu'ils fassent des let's play de notre jeu. Et donc, on a travaillé avec deux agences, une agence qui faisait les pubs Facebook et une agence qui recrutait les youtubeurs. Et ça a été une catastrophe des deux côtés. Ça a été une catastrophe côté youtubeurs parce qu'en fait, nous, on essayait de trouver des youtubeurs dont l'audience était potentiellement notre cible. Et en fait, ceux qu'on trouvait, ils étaient petits. Donc, ils prenaient pas forcément ils se faisaient pas forcément payer pour faire des vidéos parce qu'ils étaient pas, ils avaient même pas assez de viewers pour que ce soit un business intéressant pour eux. Et par contre, on a fait faire des vidéos par des beaucoup plus gros, mais l'audience était pas qualifiée. Elle était pas là pour ça. Un youtubeur qui fait qui a une chaîne super populaire sur les jeux du réel, ça existe pas parce que même peut-être que la forme du jeu du réel se prête pas bien au YouTube game. Donc, ça a été 50 000 euros qui peut-être nous ont rapporté en tout 200 ou 300 téléchargements. Et encore, je suis généreux, ça fait cher du téléchargement, si vous voulez. Et c'était encore pire pour les pubs Facebook, puisque l'agence a eu beaucoup de mal à comprendre la finesse qu'on recherchait. Et ça, c'était vrai à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'ils ont produit du matériel visuel, des bannières, des vidéos, etc. Et c'était super aguicheur. Je me souviens d'une première version hallucinante où en fait ils avaient détouré Maj Dénour au premier plan et derrière ils avaient mis une scène d'incendie avec des flammes animées, tu vois, genre flaming sur le bord d'une Harley Davidson mais en animé, tu vois. Genre oui, c'est la guerre chez eux et donc mais l'amour va les sauver, enfin un truc qui allait pas du tout, quoi. Donc déjà, on les a fait refaire leur matériel promotionnel parce que il fallait qu'ils arrivent à comprendre ce que c'était que l'ADN de notre jeu. Et on aurait pu le faire nous-mêmes, mais en fait, il y avait un budget pour ça et ça faisait partie de leur mission. Donc on était un peu le cul entre deux chaises là-dessus. Et ensuite, ils ont donc dépensé plein d'argent pour mettre des pubs sur Facebook, mais avec du targeting qui était on vise les fans de jeux vidéo, on vise les gens qui habitent dans les pays d'Europe, et c'était pas du tout assez fin non plus, ce qui fait qu'en gros on avait 90% de messages sous nos vidéos qui étaient des messages d'insultes. Oui, vous êtes des pourritures cosmopolites, vous voulez la destruction de la civilisation judéo-chrétienne, vous encouragez l'immigration illégale, ou alors parce qu'ils avaient targeté au contraire des groupes Facebook qui étaient beaucoup plus du côté du militantisme. Vous vous faites de la thune sur la misère de ces pauvres migrants, vous êtes des ordures, etc., etc. Et en fait, du coup, on se rendait compte que ces canaux de communication que sont YouTube et Facebook, de deux choses l'une, soit pour qu'ils soient efficaces dans le cadre super spécifique de notre jeu, ça demandait un boulot d'orfèvre que ces agences n'étaient pas en mesure de faire parce qu'elles n'avaient pas l'habitude et qu'elles travaillaient beaucoup plus au lance-flamme qu'à la pince à épiler, soit peut-être... en fait, c'est juste pas du tout les bons canaux de communication. Et peut-être que c'était pas du tout pertinent d'utiliser ces canaux pour essayer de faire connaître Enterrement mon amour. Alors, quel canal aurait été plus pertinent, c'est toute la question. Mais je pense que du coup, nous, l'action qu'on a fait sur la presse, les éventuels partenariats qu'on a pu mettre en place avec des médias, pour nous, c'est plus important. Mais pour d'autres jeux, ce serait complètement différent. Et pour d'autres jeux, les 50 000 euros de YouTube et 100 000 euros de Facebook, ça aurait été une bénédiction et ça leur aurait peut-être rapporté des dizaines, voire des centaines de milliers de téléchargements. C'est même probable, en fait. Après, pour d'autres, c'est des pubs sur Reddit qui vont mieux marcher. Pour d'autres, c'est des posts viraux sur Imgur ou des réseaux sociaux un petit peu plus spécialisés comme ceux-là. Il y a vraiment une question à se poser, c'est où sont les gens qui sont les gens que j'ai identifiés comme mon public cible et quel langage ils parlent. Et essayer de leur parler dans un langage qui les intéresse, qui vont comprendre et qui va leur faire se dire « Bah ouais, en fait, ce jeu, il a l'air vraiment cool et je vais vraiment... j'ai vraiment envie de l'essayer, en fait. » Il y a un truc qui est super intéressant dans ce que tu dis, et je vais prendre la balle au bon. C'est, alors, une fois que la communication est lancée, ou même que le jeu soit lancé, comment réagir, et notamment là, pour le coup, dans ce que tu dis, dans le cadre de ce qu'on appelle du damage control, c'est-à-dire contrôler une polémique qui aurait pu arriver sur son jeu, sur sa création. Et là, effectivement, sur les commentaires que tu cites, manifestement, alors il y a eu un problème de ciblage. Comment vous ou l'agence en question a réagi face à des propos insultants ou xénophobes ? En l'occurrence, l'agence en question, elle n'a rien réagi du tout. C'était à peine si elle modérait, tu vois. Même les commentaires les plus racistes et manifestement allant à l'encontre des terms of service des réseaux sociaux, en l'occurrence de Facebook, étaient pas ou peu modérés. Comme tu peux l'imaginer, je n'ai pas eu une super expérience avec cette agence, donc je ne la citerai pas. Mais elle n'est pas, c'est pas une agence française de toute façon. Donc c'est moi qui faisais du damage control, et en fait, en gros, c'est ce que j'ai dit quand j'en ai parlé à mes potes game dev, c'est cette opération, non seulement elle nous a rien rapporté en termes de vente, par contre, moi, elle m'a coûté des années d'espérance de vie, si tu veux, parce que j'ai passé effectivement littéralement des jours à répondre à des messages. Alors, c'est pas tant du côté des gros racistes, parce que les gros racistes, moi, je me faisais pas chier, je supprimais quand c'était ouvertement raciste et j'ignorais quand c'était juste raciste masqué, tu vois. C'est bon, j'ai pas trop de temps à perdre avec ça. Par contre, de l'autre côté, les gens qui nous reprochaient plutôt d'être dans l'exploitation de la misère, etc., ça m'emmerdait beaucoup plus parce que je comprenais qu'on puisse penser ça, parce que l'image de jeu vidéo étant ce qu'elle est, beaucoup de gens les perçoivent comme des cache-machines et un univers un peu sans foi ni loi, de lootbox et de boucles pavloviennes pour accrocher les joueurs. Donc je comprenais que quand on voit un jeu qui parle des réfugiés, on se dit ok, c'est juste un nouveau délire pour gagner encore plus d'argent, et cette fois c'est particulièrement cynique. Mais en même temps, il y avait une dimension narcissique là-dedans, ça me blessait en fait qu'il y ait des gens qui puissent déjà croire ça et puis ensuite propager ça comme étant la vérité. Et donc, alors que j'aurais pu me dire, écoute, les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent, et ceux qui se renseigneront soit sur comment le jeu a été fait, parce qu'il y a des articles partout, soit ceux qui essaieront le jeu verront bien qu'en fait, la réalité est tout autre, au lieu de réussir à me limiter à ça, j'ai pas pu, et donc j'ai passé pas mal de temps à répondre avec des argumentaires précis que j'essayais d'adapter à chaque critique qui nous était faite, histoire d'être clair sur ce qu'on avait fait, sur comment on l'avait fait, sur pourquoi on l'avait fait et sur quels étaient nos objectifs. Et donc la communication, c'est quelque chose qui est, quand tu parles d'un truc aussi personnel que ton propre jeu, c'est pour ça qu'idéalement c'est bien d'avoir quelqu'un qui le fait pour toi, parce que quand toi tu parles de ton propre jeu, t'es hyper sensible en fait, t'es hyper susceptible, t'as envie que les gens comprennent le jeu aussi clairement que toi tu le connais, et ça c'est un vœu pieux, c'est pas possible en fait. Il faut accepter que il y ait des gens qui le prennent pas au degré où toi tu l'as pensé. Je me rappelle de cette vidéo qui m'avait marqué à vie de Jonathan Blow, je crois que c'est dans Indie Game The Movie, où tu le vois réagir à des gens qui jouent à son jeu. Et c'est des gens qui jouent à son jeu, à Braid, et qui sont morts de rire parce qu'ils font aller et revenir le temps, et que le bonhomme tombe de la plateforme, remonte sur la plateforme, tombe de la plateforme, remonte sur la plateforme. Et ça les fait marrer, quoi. Ils ont un plaisir hyper primaire à manipuler. Et tu vois Blo qui voit cette vidéo, Et le mec, t'as l'impression que si les gars étaient en face de lui, il les tabasserait, quoi. Parce que il est super blessé que son génie créatif serve finalement à amuser des gamins qui font mumuse avec son jeu. Alors, je pense pas que je sois Jonathan Blow. Je pense que je me prends un tout petit peu moins au sérieux quand même, malgré tout. Mais il y a cette dimension, quand tu communiques autour de ton jeu, il faut t'attendre à ce que le public te renvoie une image qui n'est pas celle que tu veux transmettre. Et du coup, bah, il y a cette forme de blessure narcissique qui est pas facile au-delà de laquelle il n'est pas facile de passer. Donc je pense que c'est pour ça que, malgré le fait que vous entendrez quasiment aucun game maker vous dire du bien de son publisher, parce que personne ne vendra ton bébé aussi bien que toi, en fait, parfois, c'est carrément mieux que ce soit quelqu'un d'autre que toi qui s'en occupe, parce que cette personne-là, elle sera dépassionnée par rapport à toi qui peut te foutre la rate au courbillon et finir par faire du mauvais travail, parce que tu vas... Au bout d'un moment, quand tu discutes avec des gens qui disent que t'as fait de la merde et que t'es un connard, il est pas impossible que tu finisses par péter un câble, alors que quelqu'un qui va être un community manager un peu dépassionné va réussir à garder son calme, quoi. Par rapport à cette question du lien avec les joueurs, depuis la seconde moitié des années 2010, on a quand même des modalités qui ont beaucoup changé en termes de lien aux joueurs et en termes de communication, notamment parce que la communication se fait plus systématiquement après la sortie du jeu ou dans une logique marketing de vente des jeux. Alors, je ne crois pas que ce soit spécialement le cas pour En termes de mon amour, mais on a quand même de plus en plus un lien quasiment en cours de développement avec des jeux qui sont sortis dans des versions préliminaires, des gens qui y jouent, des échanges, de la communication, des Discord dédiés qui sont mis en place de façon à ce que quelque part le public des joueurs soit partie prenante quasiment de la conception du jeu, que ce soit sur des jeux très indés ou sur des grosses machines comme les jeux Blizzard, avec une boîte qui est quand même très à l'écoute de ses communautés de joueurs, même si y a toujours des mécontents. Quel regard tu portes là-dessus, toi ? Je suis hyper admiratif. Tu vois, Scourgebringer, par exemple, qui vient de sortir en bêta, là, enfin en early access plutôt. Depuis le début, Flying Hawk, donc le studio qui travaille sur ce jeu, est en open développement. Donc ils avaient une newsletter et toutes les semaines, ils envoyaient la newsletter, ou toutes les deux semaines, je ne sais plus, ils envoyaient une newsletter assez précise où ils racontaient ce qu'ils avaient fait, où ils en étaient, comment ils avançaient, etc. etc. Et rien que ça, c'était assez passionnant à suivre parce que ils ouvraient un petit peu l'arrière-boutique et ils te montraient un peu la progression, le rythme du jeu, comment est-ce que ça se construisait petit à petit, étape après étape. J'avais trouvé ça très cool. Et puis ensuite, ils ont sorti en alpha sur leur Discord et ils ont fait jouer au jeu à plein de passionnés qui avaient repéré le jeu et qui avaient envie de l'essayer. Et ils ont pu tweaker plein de choses dans leur jeu, comme par exemple, ils avaient des wall crabs, donc des crabes muraux, qui étaient beaucoup trop durs, parce qu'ils étaient beaucoup trop puissants. Et donc, c'est après que toute leur communauté leur a dit, mais ces wall crabs, c'est un enfer, que Thomas, le développeur, a pu tweaker la force de cet ennemi-là. Et plein de petits trucs comme ça qui font que tu es à l'écoute de ta communauté. Alors, ça a deux énormes avantages. Le premier, c'est que ça t'évite quand même de sortir un jeu qui va être très très mal reçu, parce qu'en fait, t'as perpétuellement des gens qui vont tester avec toi, et donc une base de joueurs qui te donne du feedback et qui fait que tu peux pas développer dans ton silo de ton côté et du coup sortir un truc qui va être à mille lieues des attentes de ta communauté potentielle de joueurs et par exemple comporter une énorme erreur de game design que t'as pas vu venir parce que tu l'as fait tester à une dizaine de personnes toujours les mêmes et que tout le monde est passé à côté. Si t'as plutôt genre une centaine voire un millier d'alpha testeurs, c'est plus compliqué en fait. Et puis l'autre gros avantage, et ça c'est Mike Rose de No More Robots, qui est un publisher, qui en parlait très bien dans un talk à la GDC. Il disait le gros avantage d'avoir un Discord sur lequel vous faites une alpha comme ça, c'est que les joueurs sont investis émotionnellement, ils vous donnent des retours, ils ont l'impression de participer à la création du jeu, ce qui est le cas, même si c'est uniquement en donnant des conseils et en faisant entendre leur voix. Mais au moment où le jeu sort, déjà, vous pouvez être sûr qu'ils vont l'acheter day one. Et ensuite, vous pouvez aussi être sûr qu'ils vont faire chier tous leurs potes. Et ils deviennent des héros de votre jeu parce que c'est un petit peu votre succès potentiel et leur succès potentiel. Et c'est un petit peu... c'est votre jeu, mais c'est un petit peu leur jeu aussi. Et ça, c'est une valorisation pour eux qui est super parce que du coup, si le jeu est un énorme succès, bah, ils se disent « Ah bah ouais, j'en ai fait un petit bout, j'ai un petit peu participé. » Mais ceci, donc c'est une pratique qui se fait de plus en plus et qui est à mon avis particulièrement adaptée aux jeux systémiques avec beaucoup de pièces qui bougent, beaucoup de combinaisons possibles, beaucoup de possibilités parce que du coup, plus on est de fous, plus on rit et plus on repère les dérives éventuelles de ces systèmes. Par exemple, tu vois, si tu joues dans un style particulier, tu vas gagner à tous les coups ou perdre à tous les coups. Bah, quand tu as 1000 playtesters qui testent, tu as plus de chances de le trouver. Après, moi, ce que j'aurais à dire là-dessus, peut-être s'il fallait critiquer cette tendance, c'est que ça a tendance du coup à aller vers un milieu un peu tiède. C'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine force de caractère pour imposer certains choix de design au-dessus d'un feedback. Imaginons que toi tu te dis, moi en fait la vision que j'ai pour mon jeu c'est que je veux bien transiger sur les patterns de mouvement des ennemis, sur les armes, sur ceci, sur cela, mais par contre il y a un truc sur lequel je ne veux pas transiger, c'est le permadeath, parce que je pense que c'est vraiment un truc qui me tient à cœur pour une raison, parce que ça colle parfaitement au scénario, ou parce que ceci, ou parce que cela, eh ben, il faut avoir des nerfs solides et des reins encore plus. Pour si tout le monde te dit bah non le permadeath c'est nul, il faut avoir de la couenne pour dire bah non en fait c'est ma vision et parfois ça peut même tourner à l'entêtement et dans ce cas là c'est débile, mais s'il y a vraiment une raison pour tenir cette position, bah si t'as toute une communauté qui te pressurise en te disant nous on pense que c'est une connerie, c'est pas facile à tenir. Donc j'aurais tendance à dire que cette tendance de jeu développé en open alpha à mon avis façonne un peu plus les jeux dans ce qui est à la mode. Et donc, en tant que créateur de jeu, on doit renoncer, je pense, à certains des choix qu'on aimerait bien assumer sous peine de contrarier le public. Or, parfois, c'est bien de contrarier le public, parce que parfois, il y a des jeux qui, quand ils sortent, contrarient beaucoup le public, mais quelques années plus tard, sont reconnus comme étant des jeux qui ont vraiment marqué leur temps en proposant quelque chose de vraiment novateur. Et ça, je ne sais pas si... c'est aussi facile à faire quand on est dans une alpha ouverte parce que du coup la voix du plus fort ce sera la voix de la majorité et bah, forcément la voix de la majorité c'est pas la voix la plus audacieuse et la plus clivante quoi. Voilà, s'il fallait critiquer ça. Et puis d'un autre côté, moi je fais des jeux très narratifs et j'ai qui sont quasiment à la limite de la fiction interactive. J'ai un peu de mal à voir comment on peut faire un développement ouvert et une... Enfin, on peut faire tester aux gens, mais vraiment un développement ouvert avec ce genre de jeu-là, j'ai un peu de mal à voir comment ça peut se faire aussi bien qu'avec des jeux très systémiques comme Scorebringer, par exemple. C'est vrai qu'on imagine mal Jonathan Blow faire un alpha avec développement ouvert pour Braid, pour le coup, aussi. Ouais, tu sais, c'est aussi le fait que... Je parlais de narcissisme tout à l'heure. Je pense que c'est aussi un petit peu une question de narcissisme. C'est aussi une question un peu d'ego, je l'avoue honnêtement, et j'en suis pas particulièrement fier, mais moi je pense que il y a une dimension d'auteur dans le jeu vidéo, et ça m'emmerde un petit peu de partager ça avec les joueurs avant de leur soumettre ce que je considère comme une œuvre finie. Et il y a d'autres développeurs que ça emmerde pas du tout, au contraire, ils sont au service du public, et ils ont véritablement envie de proposer la meilleure et la plus fun et la plus divertissante expérience possible. Du coup, est-ce que t'es un branleur ou pas, est-ce que t'es une saloperie pédante ou pas, définira si t'es capable d'ouvrir complètement le développement de ton jeu à ta communauté ou de préférer faire peu dans ton coin, quitte à te prendre un German suplex parce que en fait t'es un mauvais designer et t'as fait de la merde, quoi. Dans les éléments de communication qui sont apparus et qui sont beaucoup beaucoup développés aussi dans la deuxième moitié des années 2010, il y en a un deuxième qui a priori n'était pas pensé initialement comme un moyen de communication, c'est le financement participatif. En tout cas, dans le domaine du jeu de plateau et du jeu de rôle sur table, ce sont devenus des tournants majeurs, pas seulement de financement, avec des financements pas négligeables, mais en plus des éléments de communication. Il y a vraiment des jeux qui construisent une communauté au moment de leur financement, avant même qu'il y ait quoi que ce soit d'accessible. En jeu vidéo, on sait que c'est un peu plus compliqué. On avait fait un épisode sur le sujet, on nous expliquait avec bien que... Thomas de Ico Partners. Voilà, parce qu'à un moment, il y a une certaine cohérence. donc il nous disait qu'effectivement en jeu vidéo c'était plus compliqué parce que notamment les budgets sont pas les mêmes et puis il y a quelques gros acteurs qui sont cassés le nez sur le sujet. Toi, c'est des choses que tu as considérées à un moment, parce que pour le coup dans le cadre d'un jeu narratif, quand on a une histoire à proposer, quand on a un propos fort, un sujet bien identifié, quand on n'est pas en train nécessairement d'avoir besoin de faire beaucoup de développement en amont de la proposition qu'on peut avoir à faire, ça peut être une source de financement. Et puis pour le coup, tu es sur des modalités de jeu qui, me semble-t-il, enfin en tout cas pour en termes de mon amour, peuvent être moins coûteuses que des jeux qui demandent d'énormes équipes de développeurs pendant des années. Ouais, j'y ai pensé, on y a pensé pour en termes de mon amour, et à vrai dire, étant donné le boulot que c'est de faire un Kickstarter, étant donné l'argent que ça coûte ensuite de faire des goodies, de les envoyer, etc., on y a, et étant donné le fait que si tu demandes une somme élevée, ton Kickstarter peut, enfin ton financement participatif peut se planter, ce qui est quand même, c'est pas très bonne presse quoi, tu vois, tu dis ok bah super, le mec il veut faire un jeu, il a foiré son financement participatif, c'est pas un super bon signe de communication. On y avait pensé à le faire quasiment exclusivement comme une opération de communication, c'est-à-dire demander une somme qui n'aurait pas été ridicule, mais tu vois, qui était par exemple de, je ne sais pas, 20 000 euros. Donc c'est quand même assez important. Mais en fait, 20 000 euros, une fois que tu as enlevé la commission de la plateforme, les goodies, etc., machin, tu peux facilement te retrouver avec vraiment plus grand chose. Par contre, là où je rejoins ce que tu dis, c'est que tu te retrouves avec 300, 400, 500, 1000 personnes qui ont... été convaincus par ton projet, qui ont été jusqu'à sortir le porte-monnaie sur du vent, quoi. Et ça, c'est exactement pareil que les gens qui vont être tes meilleurs défenseurs parce qu'ils ont été sur ton Discord et qu'ils ont participé à l'alpha. Ceux qui ont déjà payé pour le jeu, quand le jeu sort, bah, ils vont être contents que tu sois allé au bout. Et puis, ça va être un des premiers maillons de ta communication. Mais ce qui est vrai aussi, et ça c'est pour le coup quelque chose que Thomas m'avait dit et qu'il vous a sûrement dit aussi pendant l'épisode, c'est que c'est un taf énorme, quoi. Aujourd'hui, réussir son Kickstarter, ça veut dire quand même y consacrer plusieurs semaines de préparation, voire plusieurs mois, plus les 90 jours de la campagne dans lesquels tous les jours il faut animer, il faut prévoir, il faut proposer des nouvelles choses, il faut faire vivre la campagne si tu veux être sûr qu'elle fonctionne. Et concrètement, nous, vu la taille de l'équipe, on n'avait juste pas du tout le temps, en fait. Et comme on n'avait pas un besoin impérieux, puisqu'on était financé par ailleurs, on ne l'aurait fait que comme une démarche de communication. Et on n'a pas eu les moyens de le faire, on n'a pas eu les moyens au niveau du temps de le faire. Mais ça aurait pu être intéressant. Après, ce serait très vite reposé la question de comment est-ce que tu présentes ton jeu. Parce que... comme tu le disais, les Kickstarter, c'est souvent tu juges sur une présentation, donc une vidéo de pitch, un trailer peut-être, puis une vidéo de l'équipe, et puis une espèce de chose qui est comme une espèce de communiqué de presse plus où tu donnes plein de détails. Et c'est pas facile en fait de le faire sur les jeux du réel. C'est pas facile de le faire et de faire un peu rêver les gens. Ah ouais, je vous parlais de l'histoire d'une fille qui part de son pays parce que sa sœur est morte et qui doit essayer de survivre. Jusqu'à ce qu'elle arrive en Allemagne, bah c'est vrai que c'est pas simple. Quel levier tu actives? Tu veux pas tomber dans le misérabilisme, en même temps tu veux pas. Mais c'est une question qu'on s'est posée tout au long de la communication sur Rentable Mon Amour. Si tu veux, le Kickstarter, ça réfléchir à un Kickstarter, ça c'est un bon moyen de cristalliser les problématiques centrales au cœur de la communication autour de ton jeu, parce que la façon dont tu vas le présenter dans le Kickstarter, c'est la façon dont tu le présentes avec tous les potards. Sur 9 pour saturer le tout, pour que quelqu'un qui arrive sur la page ait envie de prendre sa carte bleue et de te donner de l'argent, alors que peut-être 5 minutes avant il connaissait rien du projet. Donc si ça ne serait-ce qu'une seule vertu, c'est celle-là, c'est de t'obliger à faire l'exercice de comment est-ce que je peux rendre mon projet le plus, comment est-ce que je peux parler de mon projet de la façon la plus sexy possible. Encore une fois, quand tu fais des jeux du réel, ça peut être un peu problématique, parce que qui dit sexy dit parfois pas forcément super en phase avec le ton et le niveau de respect que tu veux t'imposer dans ta communication autour de ton projet. Alors je continue un peu avec mon petit tour de la boîte à outils des éléments qui peuvent servir dans le cadre d'une communication. Toi, donc on a parlé un peu de ce qui pouvait se passer sur YouTube, des communautés de joueurs ou des financements participatifs. Pour le coup, une chose que tu as pu expérimenter de façon certaine, c'est la présence sur salon et notamment les prix. Puisque il me semble que tu as bénéficié d'une petite reconnaissance à l'Indiecade, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ça change quoi ? En fait, on a eu quelques prix, pas seulement à Indiecade, mais à d'autres endroits aussi, avec un niveau de prestige variable, des prix que très peu de gens connaissent, des prix qui sont connus seulement par les pros, des prix qui sont un peu plus connus du grand public. Globalement, ça, encore une fois, tout est une question d'outils que tu utilises pour mesurer ton succès. Ça n'a, par exemple, aucun impact sur les ventes. Ce n'est pas parce que tu vas avoir gagné un BAFTA ou ne serait-ce qu'être nominé au BAFTA que tu vas vendre plus d'exemplaires de ton jeu. Ce n'est pas parce que tu as gagné le prix des développeurs à Indiecade Europe, comme ça nous est arrivé, que ça va t'ouvrir des portes d'un point de vue de la réussite marché de ton jeu. Par contre, si toi, un de tes objectifs, voire ton objectif principal, c'est de te dire « Putain, mais quand même, les jeux vidéo, c'est un média extraordinaire et ce serait cool que les gens qui font des jeux vidéo se rendent compte du potentiel dans plein de directions qu'on a encore que très peu explorées. Si l'objectif de ta communication, toi, c'est ça, bah, gagner un prix, c'est super parce que du coup, tu te fais repérer par tous les autres studios qui étaient nominés, par exemple, ou tous les autres gens qui regardent les résultats des prix. Les étudiants, par exemple, attachent beaucoup d'importance, les étudiants en jeux vidéo attachent beaucoup d'importance au prix, parce que c'est normal, c'est la première fois que tu fais un jeu, ton jeu étudiant, tu l'inscris aux IGF, tu te dis, ouais, putain, si ça se trouve, je vais être sélectionné, je vais aller à Los Angeles pendant la GDC et je vais monter sur scène pour chercher un prix, c'est trop cool, ça fait rêver. Et du coup, bah, tu regardes un petit peu quels sont les jeux qui ont pu être nominés ou gagnés. Et tu te dis, tiens, mais en fait, il y a un jeu qui parle des Syriens qui essaient d'arriver en Europe, hein, intéressant et tout. Donc, nous, dans notre... moi, dans mon ambition en termes de pourquoi est-ce que j'ai fait ce projet et pourquoi est-ce que j'ai communiqué autour de ce projet, le fait d'avoir des prix, c'était super. Parce que... si ça peut attirer l'attention de ce genre de jeu, sur ce genre de jeu, l'attention de la communauté des game devs, c'est déjà génial parce que ça plante plein de petites graines dans la tête des autres game devs qui peut-être dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans, vont sortir des jeux qui vont dans la même direction ou même des jeux qui sont des jeux beaucoup plus fun et tout, mais qui vont avoir une dimension un peu plus profonde dans leur narration, par exemple. Et rien que ça, je considère ça comme une victoire. Et après, tous les salons ne sont pas nécessairement associés à des prix. Et j'ai aussi fait pas mal de salons qui étaient là uniquement pour... qui consistaient uniquement à tu viens et tu montres ton jeu, quoi. Et ça, c'est super pour une autre raison, c'est que du coup, tu as des gens qui viennent pour voir, soit juste par curiosité, soit pour voir un jeu en particulier. Mais une fois qu'ils sont là, bah, ils font le tour et ils vont voir tous les autres jeux qui sont là. Et donc, tu te retrouves avec un public super varié et tu peux récupérer des réactions de gens qui n'auraient absolument jamais joué à ton jeu s'ils n'avaient pas été présentés sur le salon à côté d'un slasher qu'ils avaient hyper envie de voir. Tu vois. Et ça, c'est vraiment super parce que ça t'informe aussi sur comment des gens qui ne sont pas ton public cible reçoivent ton jeu. Et donc, comment, si tu veux que ces gens qui ne sont pas ton public cible le deviennent, comment est-ce que tu vas leur parler ? Et qu'est-ce que tu vas mettre en avant ? Et qu'est-ce qu'ils retiennent ? Et tu vois aussi des trucs un petit peu qui sont des dilemmes pour toi. C'est que tu as deux personnes qui passent et deux personnes qui sont attirées par deux choses complètement différentes. Et tu te dis, ces deux personnes sont irréconciliables. Si je veux parler à l'une, je sais que je vais mettre l'autre à dos ou en tout cas, je vais perdre l'intérêt de l'autre. Et vice versa. Et donc, mes options de communication, elles sont multiples. Mais en fonction de comment je communique, je m'adresse à une cible qui est différente. Et là, t'as plein, dans un salon, t'as plein d'échantillons de plein de types de cibles différents. Alors évidemment, tu parles avec eux, tu les laisses jouer d'abord au jeu, mais après, tu leur demandes à quoi ils jouent d'habitude, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qu'ils ont pensé de ce jeu-là, etc. Et c'est super formateur, pas tant sur ton jeu, parce qu'un salon, c'est pas un playtest, t'es pas là pour repérer des bugs ou des trucs comme ça, mais par contre, c'est super formateur sur le rapport du public à ton jeu. Et ça, c'est un truc, tu peux t'imaginer plein de choses dans ta tête, tant que t'as pas vu vraiment les gens jouer, tu comprends pas. Et d'ailleurs, parfois, c'est un peu dur, parce que, tu vois, ils font des réflexions, genre, ah, ça, c'est pourri, c'est nul, ou alors ils essayent, ils tripotent deux minutes et ils reposent ton jeu. Surtout en termes de mon amour, c'est une simulation de chat, donc tu vois, sur un salon, quand t'es entre un truc avec plein d'explosions super cool et un simulateur de où tu peux caresser des chiots, c'est pas forcément le truc le plus sexy, quoi. Donc parfois c'est un peu dur, mais c'est toujours extrêmement riche d'enseignement. Ça m'amène à deux questions. La première, effectivement, c'est très en lien avec cette question du salon. C'est qu'on voit beaucoup d'entrepreneurs dans tout. Alors là, on parle du jeu aujourd'hui, mais ça pourrait être dans d'autres domaines. C'est comment optimiser entre guillemets sa présence sur un salon, parce que voilà, tu as commencé à évoquer certaines questions qu'on va pouvoir travailler sur la présence sur ce salon, et notamment, est-ce que dans ces rencontres avec des joueurs et des joueuses d'univers très différents, est-ce que tu as l'occasion justement de communiquer auprès des personnes que tu décris dans un jeu comme Enterre-moi mon amour, à savoir des personnes migrantes ou ayant migré. Je vais même prolonger la question, est-ce que dans tes présences de salon, parce que là on a beaucoup parlé pour l'instant d'un public cible qui est, si je l'ai bien compris, j'ai peut-être une bêtise, un public plutôt bourgeois qui s'intéresse à l'actualité, qui va prendre par exemple Libération comme référence, d'un autre côté un public qui est plutôt un public de joueurs, de gamers, mais est-ce que tu as été aussi amené à être présent ou à t'interroger sur de la présence dans des espaces militants, puisque c'est quand même un jeu qui pose aussi des questions politiques? Il y a plein de questions là, je suis un peu perdu. Mais pour répondre d'abord sur le salon, encore une fois, c'est une question de qu'est-ce qu'on en attend en fait. De toute façon, ça se prépare, la présence sur un salon. Il faut avoir des trucs aussi bêtes que un build qui va se remettre à zéro si personne ne le touche pendant 5 minutes, parce que si toi tu dois le remettre à zéro à chaque fois entre chaque personne, tu vas devenir fou. Je sais pas moi, des petites lingettes ou de l'alcool gélifié pour pouvoir nettoyer un peu tes contrôleurs, parce que quand t'as 250 000 personnes qui passent et que c'est le plein hiver et que la moitié des gens ont la grippe, bah ça peut être cool en fait juste de nettoyer un peu ton emplacement une fois de temps en temps, ne serait-ce que pour toi, pour pas tomber malade, parce que si tu tombes malade et que t'es là pour 4 jours et que le premier jour tu commences à avoir la grippe, c'est chaud. Tout ce genre de trucs, c'est des trucs qu'il faut que tu t'anticipes. Mais après, c'est pareil. Pourquoi tu vas sur le salon? En l'occurrence, de tous les game devs que j'ai entendus, les salons, ça fait pas plus vendre que gagner des prix, en fait. Dire, je vais sur un salon parce que les gens vont essayer le jeu en salon et l'acheter ensuite, ça arrive de temps en temps, mais c'est à la marge. Donc, il faut que tu saches ce que tu viens de chercher. Et moi, personnellement, je pense qu'il n'y a pas de réponse en or là-dessus, mais moi, personnellement, le gros plus que je vois, c'est cette énorme diversité. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais des portes ouvertes et que tu as plein de gens de plein d'horizons différents qui viennent te faire plein de feedbacks différents, super, super intéressants. Et bien sûr, parmi ces gens, il y avait des gens qui étaient plus ou moins proches du sujet. Un exemple débile, mais quand on a montré le jeu à Indiecade à Los Angeles, il y a Rami Ismaël qui est passé. Et Rami Ismaël, son père est égyptien. Rami Ismaël, l'acteur de Mr. Robot, c'est ça? Non, ça c'est... C'est Rami Malek. Ah, pardon. Rami Ismaël, c'est la moitié de Vlambeer, le studio qui a fait Nuclear Throne et Luftrauser, etc. Et c'est surtout un mec qui est hyper connu dans le landerneau du jeu vidéo, parce qu'il donne plein de conférences et il fait beaucoup de boulot pour la visibilisation des minorités dans le jeu vidéo, dans la fabrication et la création du jeu vidéo. Et donc, il était hyper intéressé par ce jeu, parce que par exemple, tu vois, des jeux où il y a des choses écrites en arabe, c'est une rareté, quoi. Donc ça l'intéressait vachement. Et on a discuté, et j'ai eu avec lui une discussion sur, alors vous, qui n'êtes pas syrien, comment est-ce que vous avez travaillé? Et donc j'ai pu lui parler de ma méthodologie, etc. Évidemment, la plupart des gens, c'était pas du tout des questions qui se posaient. Et donc c'est pas du tout des questions qu'ils me posaient. Et donc j'avais pas l'occasion avec eux de réfléchir à ça et d'élaborer un discours, etc. Et voilà, donc il y a une grande variété de personnes plus ou moins proches du sujet, plus ou moins intéressées. À l'extrême opposé, sur le même salon, je suis tombé sur un Texan qui m'a dit « Moi, les réfugiés, je les attends avec un fusil s'ils essaient de rentrer chez moi. » Et le mec a joué trois quarts d'heure au jeu, et au bout de trois quarts d'heure, il m'a dit « Ah ouais, c'est quand même intéressant, ça m'a pas... nécessairement fait changer d'avis, mais quand même je vois les choses un peu différemment. » Donc tu sentais un peu que son cerveau avait évolué sur la question, et c'est toujours hyper aussi plaisant. Mais pour en revenir sur ta question sur le militantisme, moi j'ai toujours essayé de faire hyper gaffe, et c'était entre autres pour des raisons de communication, à ne pas mélanger les genres. C'est-à-dire qu'en termes de mon amour, on l'a pas fait en partenariat avec Amnesty International ou avec une ONG qui a une action sur le terrain, parce que justement, nous, on était des journalistes. À la base, Pierre Eck et moi, on a tous les deux un passé de journaliste. Et ce qui m'intéressait, c'était de raconter une histoire, certes de fiction, mais inspirée du réel, de raconter ces histoires. Et après, ce que les joueurs en font eux-mêmes, moi, je voulais leur laisser à eux. Si dans la communication, on avait mis en avant le fait de dire un jeu en partenariat avec Amnesty, immédiatement, ça nous a collé une étiquette militante active. Non pas que je ne sois pas content à l'idée de me dire que mon Texan, il a changé d'avis, et donc c'est un peu une forme de militantisme. Au contraire, ça me faisait bien plaisir de me dire que j'avais au moins un peu secoué dans ses convictions. Je t'avoue que je t'aurais interpellé sur cette question si tu ne l'avais pas fait toi-même. Non, mais bien sûr que non. Mais il faut aussi se rendre compte qu'un jeu estampillé Amnesty International, il y a de fortes chances qu'en fait ce soit utilisé contre lui, en fait, dans son propos même. Qu'il y ait des gens qui disent ah, mais regardez, que par exemple, si quelqu'un dit un jour ah, ce jeu m'a fait réfléchir, que tout d'un coup il y ait une espèce de volée de bois vert en disant ah ouais, mais c'est de la propagande d'une ONG qui veut vous convaincre à une forme de cosmopolitisme à la con, enfin, tu vois, les arguments habituels de l'extrême droite. Ce qui était assez cool dans notre relation de communication avec les gens d'extrême droite, c'était qu'on pouvait leur dire « Eh ben non, les gars, c'est pas George Soros qui nous paye, c'est pas une ONG qui nous paye, on est juste des gens, des citoyens, on s'est débrouillé pour trouver de la thune à la force de nos petits bras et on a réussi à convaincre des financements publics de nous aider. Et on vous raconte une histoire. Pourquoi ? Parce que nous, on l'a vu, soit de première main, soit via la presse, elle nous a touchés et on pense qu'il est nécessaire que le plus de gens la connaissent et la comprennent et s'en rendent compte, et notamment parce qu'en fait on vote mieux quand on a juste une vision globale du sujet et qu'on ne parle pas des migrants seulement à travers des chiffres, mais aussi à travers des expériences de vie. Et ça, on n'aurait pas pu le dire si on avait eu l'autocollant Amnesty International, parce qu'on nous aurait dit « Bah non, mais en fait, vous, votre but, c'est de nous convaincre que… » Bah non, notre but, en fait, c'est de vous raconter une histoire parce qu'on est indépendant. Et ça, moi, j'y tenais vachement, et c'était… entre autres pour des raisons de communication, parce que je pensais que ça donnait de la force au projet, et parce que c'était vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas Amnesty qui est venu nous chercher, c'est nous qui avons dit on veut s'emparer de ces histoires, on veut essayer de les faire connaître au plus de monde possible. Et donc il y avait une certaine forme d'authenticité dans notre démarche là, qui, me semble-t-il, aurait pu souffrir, en tout cas d'un point de vue communication, d'être associé à l'image d'une ONG. Par contre, j'ai toujours été hyper clair. Si vous hésitez entre donner 3,49€ à Enterrement en Amour et donner 3,49€ à Amnesty, bah, n'hésitez pas à donner 3,49€ à Amnesty. Quoi. C'est super intéressant parce que vraiment, et ça fait un peu la boucle avec ce qu'on disait au tout début, c'est la question de l'identité du créateur, de la créatrice derrière, et donc du coup l'identité du jeu qui est questionnée. Et là aussi, une autre chose qu'on a vu dans en tout cas, alors j'allais dire la communication, mais c'est même plutôt le storytelling autour de ce jeu-là, de Enterrement mon amour, c'est le documentaire qui a été réalisé par le studio Split Screen. Comment ça s'est passé ? C'était dans votre plan de communication avec Eco Partners, c'était eux qui sont venus vers vous ? Non, pas du tout, et tu vois, on reboucle sur ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que c'est Danny donc, qui est le boss de Split Screen qui m'a contacté en me disant « Voilà, je fais des documentaires sur le jeu vidéo, j'essaie de faire des documentaires sur des jeux vidéo qui essaient des choses différentes. J'ai bossé, j'ai fait un film en 3 ou 4 épisodes sur Accidental Queens. » Et je trouve que ce que vous avez fait avec Enterrement mon amour, c'est hyper intéressant. Ce que vous êtes en train de faire, parce que quand on est rentré en contact, le jeu n'était pas encore sorti. je voudrais faire un documentaire là-dessus. Est-ce que ça vous parle? Et donc, ce que ça dit, c'est que la forme d'authenticité et la forme de communication sur mesure par rapport à notre démarche qu'on a mise en place nous a donné des opportunités, comme cette opportunité là d'être contacté par quelqu'un qui faisait un docu et qui était intéressé par notre démarche. Si on s'était un petit peu planqué derrière un plan marketing communication beaucoup plus mainstream pour essayer de rendre le truc sexy, je pense que Dany il nous aurait jamais contacté parce qu'il n'aurait pas réalisé que l'équipe qu'on était et la démarche qu'on avait, c'était celle que lui trouvait intéressante. Après, j'étais hyper heureux de ce documentaire, je trouvais ça super chouette, mais c'est encore une fois une question d'objectif. Si mon objectif avait été de devenir immensément riche, c'est probablement pas le fait d'être contacté par Dany qui aurait été l'opportunité rêvée pour moi, parce que Dany il a fait un boulot de fou. Mais avec ses petits bras et avec ses petits muscles, malheureusement, il a pas l'exposition d'un Jacksepticeye ou d'un. Je connais pas beaucoup de monde youtubeurs qui font des vidéos rigolotes, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Moi, ça m'intéressait beaucoup parce qu'il y a des gens qui se disent, ok, on va faire un doc pour dire quelle est la méthode de ce studio, et ça va devenir une espèce de document qui peut intéresser d'autres game devs plutôt que. Ok, on va faire un let's play trop marrant et ça va faire vendre des dizaines ou des centaines de milliers d'unités, quoi. On arrive peu à peu vers la fin, en tout cas on arrive un peu à court de questions, mais il y a quand même de petits trucs quand même qui me titillent parce que tu en parles depuis le début et c'est super intéressant. Je pense que ça aidera beaucoup de créateurs et créatrices qui nous écoutent, tout comme les joueurs d'ailleurs. Où tu en es par rapport à tes objectifs que tu t'es fixé, alors que ce soit pour ce jeu-là, mais aussi pour ton travail de créateur? Écoute, je dois t'avouer que je suis hyper heureux du fait d'avoir réussi à faire un jeu qui, à mon sens, remplissait les objectifs que j'avais, c'est-à-dire d'abord raconter ces histoires, qui était l'objectif le plus important, ensuite avoir suffisamment de succès, au moins critique et dans le milieu des game dev pour que y ait des gens qui se disent ah ouais, je pensais pas que c'était possible de faire des jeux dans cette direction, en fait ça a l'air de l'être et c'est cool et peut-être ça me donne des idées. Après, paradoxalement, en fait ce succès là il est assez paralysant pour la suite, et depuis autrement mon amour est sorti fin 2017, c'est pas facile en fait de faire autre chose après, parce que tu te dis on n'arrivera pas à faire quelque chose qui a un impact comme ça. Et puis il y avait l'énorme force du témoignage de Dana qui nous a servi de guide dans toutes nos décisions de design. Et pour notre prochain jeu, on n'a pas une force du réel aussi claire que ça. Et donc il y a beaucoup plus de décisions de design qui sont qui nous reviennent à nous. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, game designer, c'est quand même un métier assez dur, quoi. Et voilà, ça c'est pas simple en fait. Je veux pas faire pleurer dans les chaumières, il faut arrêter le délire, mais malgré tout, quand on arrive à atteindre pas mal de ces objectifs, et notamment en termes de communication, pour que les gens vous identifient comme quelqu'un qui essaie de faire quelque chose de très spécifique dans le jeu vidéo, après on se dit bon d'accord, mais maintenant qu'est-ce que j'ai encore envie de dire, qu'est-ce que j'ai encore envie de faire, est-ce que j'ai pas juste eu un alignement de planètes incroyable, mais en fait en vrai moi j'ai pas vraiment de compétences, je sais pas faire grand chose et je suis peut-être en train de faire de la merde sur mon nouveau projet. Enfin c'est pas très simple en fait de prendre la suite de ça, et c'est pour ça que je pense que c'est important de se recentrer un peu sur pourquoi on fait ce qu'on fait. Et je pense que là, pour le coup, la réponse, elle est complètement différente pour chaque studio de jeux vidéo et pour chaque développeur. Et même de ce que j'ai entendu de certaines discussions d'amis, parfois, elle est différente pour deux personnes au sein du même studio. Et là, ça rend les choses parfois un peu plus compliquées, parce que le jeu vidéo reste une œuvre collective, bien sûr. Et donc, quand deux personnes ont à cœur quelque chose de radicalement différent, faut espérer que le jeu qu'ils font ensemble réconcilie ces deux visions différentes, parce que sinon ça peut être assez problématique, quoi. Mais tout ça pour dire que de ce dont j'ai parlé sur la communication, il y a plein de conseils que je n'ai pas à vous donner, mais que d'autres sauront vous donner et qui sont faciles à trouver sur Internet, sur du marketing, des techniques de guérilla marketing, des techniques de community building, des trucs qui sont applicables à des jeux vidéo de beaucoup plus de divertissement que ce que je fais moi. Il y a un truc qui est certain, c'est que il faut faire attention que ce qu'on désire en faisant le jeu qu'on fait, si on l'obtient, est-ce que ça va pas nous laisser avec une impression un peu bizarre et un genre de blues, de postpartum, de vague à l'âme? Parce que malgré tout, si le burn-out est aussi présent dans nos métiers, il y a une raison. C'est parce que c'est des métiers dans lesquels on a tendance à s'investir à 100%. Et que en fait, parfois, on court après une forme de réussite qui, vous savez, les créateurs sont toujours dans une espèce d'insatisfaction permanente. Donc, c'est pas parce que tout se passe comme on veut que après on est le plus heureux du monde sur son petit nuage. Il n'y a qu'à voir Notch. Merci beaucoup pour ton témoignage et tes réponses. C'est plein de réflexions. Et de pistes. On va te laisser l'occasion de donner encore un peu plus de réflexion avec notre question de fin d'épisode pour cette sixième saison de Ludologie. Alors, on avait envie de te demander, comme à tous nos autres invités, quelles leçons de vie tu as pu tirer du jeu, que ce soit en pratique, en production, que ce soit du jeu de rôle, du jeu de société, du jeu vidéo. Qu'est-ce que ça t'a appris ? Écoute, il y a un moment où j'ai eu une révélation, c'est sur l'influence déformante, mais l'influence qu'avait un jeu sur moi, et ce jeu, c'est Football Manager. Alors, je sais, ça peut paraître un peu bizarre comme ça, parce que c'est un jeu que la plupart des gens... ne comprennent pas. Pour rappel, c'est un jeu dans lequel vous êtes à la tête d'un club et vous devez acheter et vendre des joueurs pour construire votre équipe la plus forte possible et gagner ultimement la Ligue des Champions. Mais c'est surtout un jeu qui, pendant des années, a été une série de tableaux Excel où chaque joueur était décrit par des chiffres. 17 en tacle, 12 en dribble, 9 en créativité, 5 en tête, etc. Et c'est un jeu dans lequel je suis tombé, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'était une addiction, une drogue vraiment dure, en 2003. Et entre 2003 et 2007, j'ai fait toutes les saisons, parce que c'est comme FIFA, c'est un jeu qui sort chaque année. Et en 2007, j'ai décidé d'arrêter, et je suis resté bloqué à 2007. Et puis j'ai continué à jouer à mon 2007 pendant 3-4 ans, à tel point que je me réveillais le matin pour jouer avant d'aller au boulot. Enfin, c'était vraiment toxique, et donc... aujourd'hui, Football Manager 2007 est dans la maison de vacances de ma mère et je n'y joue que là-bas, et ça pose quand même des problèmes parce que mes enfants se moquent de moi en disant « c'est bon, on ne va pas à Torigna, c'est le nom du village, parce que papa, tu vas encore passer ton temps à jouer à Football Manager et nous, on va crever de faim pendant ce temps-là. » Bref. Mais est-ce que ce jeu, le jour où je me suis dit que ce jeu, il y a eu deux fois où je me suis dit que ce jeu avait quand même une emprise sur moi délirante. La première, c'est quand je suis descendu de ma chambre d'adolescent dans laquelle j'étais de passage à nouveau chez ma mère et où j'étais en train de jouer à Football Manager, et je suis descendu et il y avait des abricots dans la cuisine et je me suis dit « mais maman, comment ça se fait qu'il y a des abricots ? T'as acheté des abricots en décembre ?» Et elle m'a dit « mais mon chéri, c'est parce qu'on n'est pas en décembre, on est en juin. » En fait, moi, dans ma tête, j'étais en décembre parce que dans ma saison de Football Manager, j'étais en décembre et je le savais très bien parce que c'était justement le Boxing Day, donc le moment où, au championnat d'Angleterre, il y a deux matchs en trois jours, un truc comme ça. Bref, là, je me suis dit, waouh, putain, c'est fort cette drogue quand même. Et l'autre truc, c'est que quand j'ai commencé, donc en 2004, j'étais au début de ma carrière professionnelle, je travaillais à Bayard à l'époque, et je me suis rendu compte que je pensais à mes collègues en termes de fichiers Excel. C'est-à-dire que je me disais, lui, il a 17 en style d'écriture, mais par contre, en investigation, il a plutôt 4, parce qu'il ne ramène jamais de trucs vraiment. Et puis, par contre en tchatch, alors elle a carrément 19, elle est hyper forte en interview, elle a carrément 19 et tout, elle est hyper forte. Et là, je me suis dit, ouais, en fait, ce jeu a infusé sa grille de représentation du monde en moi, et ça, en fait, à vrai dire, je trouve que c'est pas forcément une si mauvaise chose que ça. Ça m'a donné un modèle de classification des êtres humains, évidemment, sur lequel je ne base aucune de mes décisions, mais qui est quand même à une forme assez intéressante. Donc voilà, je sais pas si je devais vous donner à chacun des notes dans différentes dans différents je ne veux pas le savoir. Moi, je ne veux pas le savoir pour moi, en tout cas. Est-ce que tu le dis à tes collègues? Je vous remplirai un petit tableau Excel et je vous l'enverrai. Je vous enverrai chacun celui de l'autre. Super, okay, ouais. Ça va être une bonne ambiance dans les studios. Merveilleux. Merci beaucoup, Florent. On va te donner un 17 en réponse pertinente. Ouais, parce que heureusement que tu me disais quand je t'ai invité pour ce truc-là. Non, mais j'ai rien à dire sur la communication. C'est parce que j'ai 19 en bullshit, c'est pour ça. Ah. C'est ça le secret. Et ben, en tout cas, merci beaucoup pour ta participation. Merci beaucoup à vous, les auditeurs, de nous avoir suivis. Vous aurez remarqué que cet épisode est un petit peu plus long que les précédents, mais c'est parce qu'on a un invité qui avait plein de choses à dire, manifestement. Et puis, on espère que tout vous aura intéressé autant que ça nous a intéressé, nous. On espère aussi vous retrouver dans 15 jours pour le prochain numéro de Ludologie. Vous ne serez pas sans remarquer qu'on approche dangereusement de la centaine. Attention. En tout cas, si vous n'avez pas écouté les précédents, bah, jetez-vous dessus, hein, bien évidemment. N'hésitez pas à aller sur vos plateformes de podcast préférées pour mettre des commentaires et mettre des super notes. Genre, mettez 5 étoiles. Et pendant que vous y êtes, si vous allez sur des plateformes, allez aussi sur les plateformes de jeu pour mettre la main sur Enterre-moi mon amour et mettre des commentaires, mettre 5 étoiles et jouer au jeu si vous ne l'avez pas déjà fait. Je pense que c'est une expérience qui mérite d'être vécue. Bien évidemment, si vous voulez par ailleurs nous donner de l'argent, c'est possible en soutenant Studio Dilettante, la structure qui produit Ludologie et puis qui produit aussi un certain nombre d'autres podcasts désormais. On a un Tipeee, vous pouvez vous y rendre, c'est tipeee.fr, si je dis pas de bêtises. .com/studio-dilettante. De toute façon, il y a une petite annonce avant et après, ne t'en fais pas, Manuel. Voilà, parfait. Et puis, on vous retrouve dans 15 jours. Merci beaucoup, Florent. Merci beaucoup, Adrien. Merci à Sudiq pour le générique. Merci encore à toi. Et à dans 2 semaines. Salut, salut. Ciao. Un podcast studio dilettante.